Moi, mon fils, j'ai souffert dans ma jeunesse. Maintenant, quand on rentre dans une chambre d'enfant, c'est plus une chambre d'enfant, c'est un magasin de jouets. Moi, de mon temps, c'était pas comme ça. Moi, ton père qui te parle. Je me souviens, quand j'avais 4 ans, on m'avait offert une autoskiff. C'était pas des voitures comme vous avez maintenant à pédale avec les pieds. Moi, à ce moment-là, c'était à la main. J'ai souffert dans ma jeunesse. Fallait y aller en avant, en arrière, en avant, en arrière. Je me souviens, quand j'avais 5 ans, on m'avait offert un petit phonographe. Maintenant, vous avez la chance d'avoir des électrophones. Vous les branchez, ça marche tout seul. Moi, à ce moment-là, fallait remonter avec une petite manivelle. À la main. Fallait remonter à la main. J'ai souffert dans ma jeunesse. Et qu'est-ce que nous avions comme disque? Vous avez la chance maintenant d'avoir les derniers disques japonais avec des orchestres de garçons, de filles qui ont 15-16 ans et qui chantent des wagong wing wing wong wagong wong wong wong wong wong wong wong wong wong. Seulement moi, à ce moment-là, il fallait que je me satisfasse avec Louis Armstrong, Duke Ellington, et puis c'est tout. Moi, j'ai souffert dans ma jeunesse. Et puis l'ambiance n'est plus comme dans le temps. Moi, je me souviens, quand j'avais 5 ans et demi, j'allais avec la petite fille de la concierge qui avait 4 ans. Ça se fait plus du tout maintenant. On allait à la cave, discrètement, on jouait au papa et à la maman. Ça se terminait toujours que c'était moi qui étais le docteur. Maintenant, c'est fini, autre temps, autre mœurs, ça n'existe plus. Je me souviens, quand j'avais 7 ans, nous avions été en vacances avec mes parents à Tahiti. Et bien maintenant, vous avez la chance, en une nuit, avec un Boeing, en passant par le pôle Nord, vous êtes arrivé le lendemain. Moi, à ce moment-là, il fallait 14 jours en avion. 14 jours en avion, en aéroplane. Il fallait que nous nous arrêtions 2 jours à New Delhi. Pendant 2 jours, nous visitions les Indes pour laisser refroidir les moteurs. J'ai souffert dans ma jeunesse. Ensuite, nous passions par Sydney, où nous allions voir les petits ours qui mangeaient les eucalyptus. Nous passions par l'île Fidji, l'île aux hommes en jupe, que nous traversions à cheval pour aller trouver un hydravion qui nous amenait à l'île Bora Bora, l'atoll, puis après Boréa, Moréa, Tahiti. J'ai souffert dans ma jeunesse. L'année d'après, je me souviens, les affaires de mon père allant moins bien, eh bien, au lieu d'aller au Mexique comme c'était convenu, pas de Mexique. On était à la boule. Tout simplement. Moi, j'ai souffert dans ma jeunesse. Et à 10 ans, quand on m'avait offert un petit poste, c'était pas un poste de radio, maintenant vous tournez, hop, vous appuyez sur un bouton, si ça vous plaît pas, vous avez une autre chaîne, une autre chaîne, tac, tac. Moi, à ce moment-là, c'était un poste à galène. Qu'il fallait monter tout seul. J'avais le casque. A, C, va avec D, B, A, Z, va. Hop, on prenait des postes. Prague, Moscou. Et on ne savait même pas si c'était de l'allemand. J'ai souffert dans ma jeunesse. Et à 11 ans, quand on m'a offert un train, c'était pas un train électrique comme vous avez maintenant. Moi, c'était un train, fallait mettre du charbon dedans. Fallait mettre du bois, fallait l'allumer soi-même. Et je mettais du charbon, je l'allumais avec un petit cylindre, avec de la flotte dedans, compressé, comme ça avec le petit train. Je pouvais traverser le parc de mon père. Dis donc, papa, tu pourrais pas me les retrouver, tous ces petits jouets bénins? Pourquoi? Je voudrais souffrir un peu.